De sa fenêtre, elle voyait l'océan. Et sur la mer, voguaient des bateaux blancs qui s'éloignaient pour d'autres continents. De sa fenêtre, elle voyait l'océan. De ses falaises qui grimpaient jusqu'au ciel, de ses falaises, elle voyait l'Angleterre. Des dames blanches se dessinaient au loin, en plein soleil brillait dans le lointain. Écoute vers la plage quelques vagues soupirs, des chansons de l'autre rivage. Écoute, ma jolie Estelle. J'aimerais partir sur un grand bateau blanc, poser mes pieds sur ce sol étranger, et qui pourtant a bercé mon enfance de tubes anglais qui me faisaient rêver. Mon cœur au nord, on ne l'oubliera pas. Ce mois d'été, gravé dans nos mémoires, entre deux terres, entre deux mers. Je reviendrai, c'est sûr, j'en fais serment. Écoute vers la plage quelques vagues soupirs, des chansons de l'autre rivage. Écoute, ma jolie Estelle. Écoute vers la plage comme les vagues s'enivrent, des chansons de notre rivage. Écoute, ma jolie.